Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Retro Gaming. Alors cette fois-ci, on va accueillir un youtubeur qui est aussi fan de Retro Gaming avec le créateur de la chaîne Lord Paddle, Quentin. Comment tu vas, Quentin? Eh ben salut, bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Bah en tout cas, ça fait plaisir qu'on te reçoive. C'est notre premier lancement en fait par rapport à notre thème qu'on voulait faire au niveau des collectionneurs. On va essayer d'interviewer plusieurs personnes qui sont fans de rétro gaming comme ça. Mmh. Et puis moi, je t'ai découvert en fait grâce à YouTube par rapport à la qualité de ton travail. Présente-nous un peu ta chaîne. Oui, bah volontiers. Bah écoute, Lord Paddle, c'est une aventure qui a débuté il y a 2 ans. Alors j'emploie volontairement le mot aventure parce que c'est un peu l'idée dès le départ qu'on s'est fixé avec mon complice David, avec qui je fais la chaîne depuis l'été 2017. On s'est lancé, alors je suis à l'initiative de la chaîne, on s'est lancé parce que bah moi et David, on est passionnés de jeux vidéo depuis qu'on est gamin, si tu veux, on baigne dans ça depuis qu'on est gosse. Pour nous, c'est pas juste un divertissement, c'est une vraie passion. Mais vraiment quoi. Et du coup voilà, il y a 2 ans, au bout d'un moment, je me suis dit tiens, un truc qu'on n'a jamais fait, pourquoi pas se lancer dans l'aventure d'une chaîne YouTube. Tu sais, moi je suivais un peu des chaînes par-ci par-là, que je regardais beaucoup, notamment Joueur du Grenier, dont j'ai beaucoup beaucoup beaucoup apprécié le travail tout au long de ces années. Puis un jour je me suis dit pourquoi pas nous lancer à notre tour et exprimer à notre façon notre passion pour ce média. Et donc on a eu cette idée de créer une chaîne, moi au départ j'ai eu cette idée de créer une chaîne, j'en ai parlé à David qui m'a rejoint une ou deux vidéos après. Et parce que les 2 premières vidéos, je les ai faites tout seul quasiment. Bon, il m'a filé quelques conseils, mais bon, je peux pas dire qu'il a vraiment créer les vidéos avec moi. David, il m'a surtout rejoint sur la 3e grosse vidéo de la chaîne qui a été notre vidéo sur les shoot 'em up. Ouais. Voilà, et là, bon, c'était il y a 2 ans, donc maintenant, ça a pas mal évolué. On commence à avoir une petite communauté de gens fidèles qui nous suivent, et nous, ça nous fait énormément plaisir et ça nous touche beaucoup parce que on s'est fixé comme objectif dès le départ de créer des vidéos avec un contenu de qualité, c'est-à-dire en ne négligeant pas la technique, l'écriture, la réalisation, tout ce qui est mise en scène, éclairage, tout ça. Alors bon, voilà, on a tâtonné un peu au début, puis progressivement, voilà, on a tenu compte de ce qu'on nous a dit, des retours, on a essayé d'évoluer, et on a toujours, on a toujours accordé beaucoup d'importance à proposer un contenu de qualité, à pas faire des trucs à l'arrache comme on voit parfois sur certaines chaînes amateurs, ouais. Parce que sinon, ça sert à rien. Nous, l'objectif, c'était de faire des vidéos de qualité à chaque fois, avec le maximum de ce qu'on peut donner nous. En tant que passionné et puis en tant que vidéaste quelque part, c'est un grand mot, mais moi et David, je me considère quand même comme des vidéastes. Et cette partie vidéo, on l'a beaucoup beaucoup travaillé avec, bon, il y a eu un peu des hauts et des bas au début, normal hein, quand on commence. On apprend toujours, on apprend encore toujours, et ça nous tient vraiment à cœur cette idée de, voilà, le credo c'était on propose aux gens un contenu de qualité. Et aujourd'hui, les gens qui nous suivent et qui nous connaissent, je pense que tu seras d'accord avec nous, apprécient notre chaîne justement pour ça. Bien pour sûr. Le fait que, voilà, on ne prend pas les gens pour des cons et on propose vraiment quelque chose de qualité. Parfois même quelque chose de, allez, je vais dire, pas différent de ce qu'on voit d'habitude. Avant-gardiste mais un peu. Quasiment. Non, je dirais pas jusque-là, je dirais pas avant-gardiste. Non, parce que il y a d'autres chaînes de qualité. N'en déplaise à Joueur du Grenier qui se plaint des recommandations sur YouTube. S'il fouille un petit peu, Fred, je l'ai croisé une fois, je lui ai parlé. S'il fouille un peu sur le net, Fred, il verra qu'il y a des chaînes de qualité, hein, comme la nôtre, comme d'autres. Bon, je citerai peut-être les noms plus tard. Il y en a plein, en fait, mais il faut chercher. faut chercher. Alors évidemment, on est noyé dans la masse, ça je dis pas, hein, c'est pas évident. Mais bon, on fait pas, tu sais, on fait pas ça pour ça non plus, qu'on fait pas ça pour la gloire, pour la célébrité, des trucs comme ça, rien à foutre de ça. Non, nous vraiment, ce qui nous importe vraiment, c'est de pouvoir exprimer cette passion qu'on a pour ce média en proposant des vidéos de qualité. Et on sait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui nous suivent adhèrent justement pour ça. Et nous, ça nous touche beaucoup parce qu'on a énormément travaillé pour en arriver là. Mais vraiment, ça se voit. Comme sur tous nos week-ends, nos jours de vacances, sur tous nos temps libres, mercredi après-midi, tout ce que tu peux imaginer, même les jours où bon, il fut une période où j'avais des petits soucis de santé, où voilà, je m'arrêtais souvent avec mon travail. Et même pendant mes arrêts maladie, crois-moi, je bossais sur mes vidéos. Ouais. Tu vois, c'est de dire à quel point on est à fond quoi, avec David. Ouais, quoi. C'est une vraie passion, ça se voit. Mais de toute manière, je pense qu'il faut que ça commence par là. Si tu fais ça par, pour un but financier dès le début, pécunier, ouais, je pense que tu vas te planter. Alors qu'avec la passion, petit à petit, tu vas avoir une communauté, comme tu dis, ça va grandir, les gens vont voir que c'est de la qualité, et toi, tu ne vas pas te lasser non plus de ce que tu fais. Tout à fait, exactement. C'est ça, tu as tout à fait cerné l'esprit, c'est ça, Lord Paddle. Et puis surtout, on s'éclate, et je pense que les gens qui nous suivent, ils le remarquent très bien. D'ailleurs, ça revient souvent. Ouais, on sent que vous aimez ce que vous faites, tout ça. Bien sûr, alors, évidemment, c'est dur, on a eu des coups de mou, il y a eu des moments où David, il décrochait pendant une semaine, et puis des moments, c'était moi qui décrochais. Voilà, on est des êtres humains aussi. On a tellement bossé, je pourrais te parler de la vidéo de Silent Hill, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est une vidéo qui nous a réclamé quand même 7 mois de préparation. On l'a commencé l'été et on l'a tourné 7 mois après parce que y avait plein de choses à préparer, parce que la mise en scène était très complexe et puis parce qu'on fait aussi avec nos propres moyens, hein. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent qu'on est une chaîne professionnelle. Pas du tout. Ça ressemble. Alors ça ressemble, mais pas du tout. C'est un mythe. Non, on n'est pas du tout une chaîne professionnelle, pas du tout. Mais voilà, on essaie de donner le maximum pour que ça ressemble à une chaîne professionnelle. Et c'est aussi ça qui nous permet de nous démarquer un petit peu de la entre guillemets concurrence. J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, voilà, on va employer un mot. Voilà, c'est ça. L'autre objectif aussi de la chaîne, c'est, et moi étant artiste, parce que je suis à la base, je suis musicien, compositeur, ouais. Bon, je suis enseignant aussi. Et alors, ça surprend toujours les gens, tu sais, ah bon, t'es enseignant, t'aimes les jeux vidéo. Moi je suis pas pour les stéréotypes, tu sais, c'est tout à fait possible d'être enseignant et d'aimer les jeux vidéo, hein, c'est des clichés ça, hein. on peut être ouvert, on a le droit d'être ouvert d'esprit aussi. Hein, Oui, bien sûr. Voilà, non, bon, mais je plaisante. Et du coup, moi, en tant qu'artiste, si tu veux, j'ai une sensibilité qui fait que, pour moi, les jeux vidéo, c'est pas que du divertissement. Alors, au-delà de la passion, pour moi, c'est aussi un art. Et oui. Ça, c'est un truc important qu'on voulait montrer dès le départ dans nos vidéos. Alors, c'était peut-être pas forcément très clair dans les premières vidéos parce que on débutait, voilà, fallait bien débuter par quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de tendre de plus en plus vers ça, de montrer la dimension artistique des jeux. Je crois que les jeux vidéo sont considérés officiellement d'ailleurs aujourd'hui comme le 10e art, si je me souviens bien. Je pourrais pas te dire le chiffre, mais c'est considéré comme un art, comme le cinéma. Voilà. Ouais. Alors ouais, mais tu sais que c'est pas reconnu depuis si longtemps que ça. Oui, quand même, oui. Une fois, il y a encore, tu sais, beaucoup de stéréotypes qui entourent le genre. C'est ouais, c'est pour les gamins, c'est pour les ados. Tu vois, tout dépend comment tu joues. Si tu joues comme un divertissement jetable entre guillemets. Voilà. C'est... Ouais. Mais ouais, mais pourtant on se rend compte, et je pense qu'aujourd'hui avec l'évolution des médias, de la technologie, on se rend compte de plus en plus de cette dimension artistique. Là, on parle de rétro gaming, mais bon, je m'intéresse aussi un petit peu aux jeux qui sortent aujourd'hui. Et, tu vois, comme je vois des perles qui sont sorties ces dernières années, il y a eu des jeux magnifiques. Je pense à un jeu comme Child of Light, par exemple, qui est extraordinaire, avec cette espèce d'ambiance onirique, féerique, avec des graphismes sublimes. Je pense à des jeux comme Rime, des jeux comme Journée, par exemple. Journée, qui est un jeu extraordinaire, qui est d'une poésie... des choses que tu vois rarement dans les jeux vidéo. Et ça, d'ailleurs, souvent, plutôt du côté des... J'ai remarqué ces dernières années, plutôt du côté des jeux un peu indépendants. Je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais. Et moi, je suis très attiré. Je suis pas forcément très fan de beaucoup de jeux qui sortent aujourd'hui, mais j'avoue être très attiré par la scène indépendante en fait des jeux vidéo, parce que je trouve que c'est des jeux qui ont beaucoup plus d'imagination. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu pareil pour le cinéma d'ailleurs, hein, parce que moi, je m'intéresse aussi beaucoup au cinéma. Bon, c'est un peu hors sujet peut-être, mais non, pas du tout. Vas-y. Pas tant que ça. Oui, parce qu'en tant que musicien, je suis un spécialiste de la musique de film. Oui. Ça fait 20 ans que je suis dans la musique de film, plus de 20 ans maintenant. J'ai un site d'ailleurs qui s'appelle Golden Score, que certains connaissent. Ça c'est autre chose. Et alors, c'est aussi une autre de mes passions. Et Et donc, si tu veux, je vois un parallèle entre les jeux vidéo et le cinéma qui devient de plus en plus flagrant, et notamment dans cette dimension artistique. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais surtout sur la scène indépendante. Moi, tu sais, je suis pas trop les grosses machines là qui sortent aujourd'hui, que je comparais un peu, tu sais, aux blockbusters hollywoodiens au cinéma, quoi. Ouais. Les trucs genre les Dark Souls, des trucs comme ça, moi ça me gonfle. Les Sekiro, tous les trucs récents, là, les grosses machines un peu Afrique. Alors voilà, bon, ça peut paraître un peu cliché tout ce que je dis là, mais moi ça m'attire pas. Après, s'il y a des gens, c'est leur trip, pas de problème, moi je respecte, il y a pas de souci là-dessus. Mais moi ça m'attire pas, c'est pas les jeux qui me parlent. Si tu veux. Alors je vais peut-être jouer une fois ou deux à Sekiro, je vais trouver ça peut-être super cool, ou Dark Souls, ou je sais pas, ou d'autres trucs là récents, là. Death Stranding, dont on n'arrête pas d'entendre parler en ce moment là. Oui. Tout moi, un foin, mais bon, voilà. Ouais, tout un foin. Moi, perso, j'ai vu un peu. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Hideo Kojima, j'ai toujours été très fan de son travail. Là, franchement, moi, ça m'a pas du tout touché. J'avoue, ça m'est passé un peu pas. Ça m'est passé par-dessus, j'avoue. Non, vraiment, ces jeux-là m'attirent pas. Moi, je suis plus attiré par les petites boîtes, des, je sais pas, parfois des programmeurs, tu sais, suédois, norvégiens, tu sais, des mecs du Nord, comme ça, qui font des jeux, tu sais, qui sortent de nulle part, qui sont magnifiques, qui sont originaux, qui proposent une approche esthétique et artistique qui révolutionne les jeux vidéo, j'irai pas jusque-là, mais qui propose autre chose que ce qu'on voit d'habitude. Et rien que pour ça, j'apprécie ça. Enfin, y a plein d'autres exemples. J'ai pas forcément des tas d'autres exemples à citer parce que j'ai pas forcément la mémoire des titres tout le temps. Mais voilà, il y a des tas d'exemples. Et ça, j'aime beaucoup cette évolution des jeux vidéo aujourd'hui. Bon, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait qu'on revient à cette mode du rétro gaming. Je crois qu'aujourd'hui, on parle de néo-rétro, il me semble. Un peu comme il y a eu tu sais, avec la musique classique. Aujourd'hui, on parle d'une espèce de courant néo-classique. Dans la musique, par exemple, c'est-à-dire ces compositeurs, tu sais, de musique contemporaine dans les années 50, 60, qui se sont un peu calmés, qui sont revenus à des choses un peu plus conventionnelles et qui ont fait quelque chose d'un peu plus néo-classique aujourd'hui dans la musique. Ben, dans les jeux vidéo, j'ai un peu l'impression de retrouver ça aussi, ce chemin. On revient finalement aux fondamentaux, entre guillemets, on revient un peu à des jeux en 2D. Et moi, j'avoue qu'en tant que fan de rétro gaming, ça me fait énormément plaisir de voir des jeux comme ça. Aujourd'hui. Ah, mais tout à fait. C'est des gens, je pense, qui programment en indépendant aujourd'hui, des gens qui ont tout approuvé. Donc, automatiquement, ils ont des idées novatrices qui font que ils ont pas un script qu'on la compagnie leur met sous le nez et puis leur dit il faut mettre ça et ça comme code dans le jeu pour que ça plaise à la plus grande majorité de personnes. Et tu as des idées vraiment originales à chaque fois dans les jeux indépendants. Malheureusement, la publicité n'est pas forcément là pour que les joueurs suivent. C'est un peu le mal. Et ouais, ça c'est sûr, c'est un peu le problème. Mais tu vois, les créateurs, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui ont fait Maniac Mansion par exemple, ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'ils avaient fait un nouveau point and click là. Donc, comment ils s'appellent, il y a Park dans le titre. Ah mince, attends. C'est celui qui est sorti sur la Switch là. Oui, Twimble, c'est Twimble. Ouais. Ah, attends, je vois pas le titre, je me souviens plus du titre, mais je vois exactement le jeu. Ouais. Voilà, c'est presque ça, c'est un titre genre Twimble Peak. Parc, un nom comme ça, moi je sais plus, mais voilà, c'est le nom d'un parc apparemment, et magnifique quoi. Moi, ça m'a fait vraiment quelque chose, tu sais, de retrouver un peu cette expérience des point and click des années 80-90 auxquelles on a certainement tout joué, notamment magnifique. Sur PC. Et un jeu Maniac Mansion. Moi, j'ai juste pour te couper, Maniac Mansion, j'espérerais qu'un jour un film sorte au cinéma en adaptation. Ah, ça serait très bien. Tu sais que ça serait une très bonne idée, étant donné qu'en plus, à la base, les concepteurs du jeu se sont un peu inspirés du cinéma. Ils l'ont avoué d'ailleurs. Des séries B un peu d'épouvante qu'ils regardaient quand ils étaient. Parce qu'on a fait une vidéo sur Maniac Mansion, sur leur podcast. On a fait un épisode dessus, et justement, dans la vidéo sur Maniac Mansion, on en parlait de ça. En expliquant que les deux concepteurs principaux là, du jeu, en fait, ils se sont beaucoup inspirés des films qu'ils ont regardés quand ils étaient un peu plus jeunes, et notamment pas mal de séries B, de films un peu d'épouvante, tu sais, des trucs genre histoire un peu hantée. Et puis l'influence un peu des séries télé des années 60, tu sais, genre la famille Adams, tu sais, genre la famille un peu déglinguée qui vit dans le manoir, tout ça. Mm-hmm. Bah, quand tu regardes l'histoire de Maniac Mansion, c'est un peu ça quand même. C'est vrai Ou une autre série qui était pas très connu dans les années 60, qui était un peu la série concurrente de la famille Adams, qui s'appelait les Monsters. Ouais, ça me dit quelque chose aussi. Les Monsters, qui avaient été adaptés en jeu vidéo d'ailleurs, que j'avais sur Atari ST d'ailleurs, The Monsters. Mm-hmm. C'était un jeu de plateforme pas terrible, mais qui était adapté de cette série. Et Maniac Mansion, c'est un petit peu ça, quoi. Donc voilà, on en revient toujours à cette inspiration de le cinéma, les jeux vidéo, le cinéma. Voilà. Moi, étant cinéphile, je trouve que c'est une double passion qui fait que c'est pas forcément deux passions différentes. Et ça, c'est intéressant pour moi. Je passe assez facilement de l'un vers l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans les jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas forcément remettre en cause le côté sonore de la musicalité des jeux vidéo, parce qu'automatiquement, avec les supports qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on avait à l'époque en cartouche ou sur ordinateur Ah ouais, c'est sûr. de 1 méga. Et ce qui se passait à l'époque, c'est les sonorités, vraiment, il fallait plus être dans l'imagination de ce qui se passait autour. Qu'aujourd'hui on nous sert tout quoi. C'est un peu ça que je trouve dommage aujourd'hui dans le jeu Ouais. vidéo. C'est pour ça aussi que moi aussi je suis retourné au rétro gaming parce que j'ai besoin d'imaginer les choses quand je les vois aussi. Ouais. Je supporte pas qu'on m'impose des trucs à l'écran avec des scènes cinématiques qui durent des plombes comme dans Death Stranding, comme dans Red Dead Redemption. Tout est Ouais. scénarisé, scripté. Il n'y a plus aucune place à l'imagination. Et ça m'ennuie. Maniaque Mansion, tu pouvais t'imaginer qu'il y avait autre chose que les endroits où tu allais. Parce que finalement, l'histoire se passe dans un petit manoir. Et tu espères toujours découvrir des pièces en plus. Parce que le point and click se prête un peu, tu sais, au jeu de la découverte, etc. Là, Ouais. tous les jeux qu'on a aujourd'hui, c'est du script total pratiquement. Enfin, je sais pas Ben, comment tu vois ça après. je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve d'ailleurs qu'aujourd'hui, les jeux ressemblent trop à des films. Justement, je Ouais. parlais de ces échanges permanents entre les jeux vidéo et le cinéma. Mais aujourd'hui, je trouve que ça bascule trop du côté du cinéma. Et le fait qu'on veuille commencer à utiliser des casques de réalité virtuelle, tout ça, Oh là là là moi, je trouve pas ça. Je là. trouve pas que c'est une évolution positive. Parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on va plus réussir à voir la différence entre les jeux vidéo et le cinéma. Et on va se perdre un petit peu dans des trucs. Moi, c'est une partie des jeux vidéo modernes d'aujourd'hui que j'apprécie pas, moi, personnellement. Après, chacun son délire, encore une fois. Je veux dire, s'il y a des gens qui aiment ça ou qui préfèrent ça aux anciens jeux vidéo, pas de problème, moi, je respecte. Moi, d'ailleurs, les gens qui vont sur notre chaîne, ils le constatent tout de suite. On n'a pas de parti pris particulier. On dit pas des trucs genre, ouais, le rétro gaming, c'est bien, le reste, c'est de la merde. Non, non, on n'a pas du tout ce genre d'état d'esprit. Moi, je respecte, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est ce que je dis, tu vois. Il y a des jeux aujourd'hui que j'apprécie beaucoup, j'apprécie énormément, mais c'est juste que moi, ça me parle pas comme ces jeux avec lesquels j'ai grandi, qui correspondent à cette sensibilité, qui correspondent à ce regard qu'on avait à l'époque sur la création des jeux vidéo, sur des prises de risques qu'on pouvait avoir, sur, je sais pas, comme tu dis, le fait qu'on pouvait s'imaginer des choses, qu'on restait encore libre, qu'il y avait une espèce de partie qui jouait sur la suggestion. La suggestion, pour moi, c'est très important d'ailleurs, ou du ressenti émotionnel. Et qu'aujourd'hui on a beaucoup moins, et puis aujourd'hui on a ce côté, on a beaucoup plus de moyens, on en fait des tonnes, on en fait des tonnes. Tiens, ben, je parlais du cinéma hollywoodien tout à l'heure, ben, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu, si tu vois, le même parcours, tu vois. T'as l'impression que les jeux vidéo, ils suivent un peu le même parcours, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, bah ben, du coup, ce qui se passe, c'est que moi je trie. Les gros trucs, là, les grosses machines un peu à fric, bon, ça me touche pas, je mets ça de côté et je préfère m'intéresser à des productions indépendantes qui sont très très riches et où je fais des découvertes en découvertes, mais vraiment, j'aime bien me balader sur Steam par exemple. Steam, tu vois, je fais des découvertes récemment. Je vais même te dire dans nos répertoires, bon, alors, sur Lord Paddle, on a des listes de jeux pas classés par thème. Par exemple, quand on a fait notre vidéo sur les shoot 'em up il y a 2 ans, on a fait une liste qui nous a pris 3 mois. On a dressé plus de 500 titres, je crois. Aujourd'hui, on doit en avoir 700 quasiment, c'est un truc de dingue. On en a rajouté plein depuis, ça, parce que ça, c'était il y a 2 ans. Et j'ai enregistré environ 400 shoot'em up avant de faire la vidéo. Un Ah, boulot quand énorme, même. quoi. Ouais, 3 mois de taf. Mais ça, c'est rien, on a fait pire par la suite, hein, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Et on tient des listes comme ça à jour par genre. Par exemple, sur notre vidéo sur l'histoire des jeux de foot, c'est ce qu'on a fait. On a fait aussi une liste qui nous a pris plusieurs mois à faire de jeux de foot. J'en ai enregistré environ 200, il me semble. Ah, quand Là, même, un petit peu moins. ouais. Il y a Ouais. une sacrée dose de bouse aussi dans les jeux de foot, hein. Faut dire que. Ouais, il y a eu beaucoup de merde, mais on a beaucoup beaucoup apprécié travailler sur cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que autant on n'est pas spécialement fan de foot, moi et David à la base, mais autant on a beaucoup aimé travailler sur cette vidéo. Et c'est marrant, tu vois, mais comme quoi, avec le recul aujourd'hui, c'est une de nos vidéos préférées de la chaîne. Ah, C'est marrant. d'accord, ouais, c'est C'est amusant, marrant, ouais. mais pas du tout Ah, dans ouais. ça à la base. Mais avec David, c'est marrant, mais on en parle très souvent de cette vidéo. Je me rends compte, l'histoire des jeux de foot. C'est, je sais pas, les gens qui nous écoutent, je les invite à aller voir cette vidéo parce qu'on l'a fait vraiment de tout cœur et en étant un peu, en ayant du recul parce que finalement, on n'est pas du tout des fans de foot. Et notre victoire personnelle sur cette vidéo, ça a été dans les commentaires, les gens qui nous ont dit, écoute, moi je déteste le foot, j'aime pas ça du tout, mais j'ai beaucoup aimé votre vidéo. Bah c'est là, le pari est réussi, ouais. Ah là j'ai dit à David, oh là là c'est génial. Attends, là franchement on était vachement touchés, on était émus, je te jure. Enfin bon, ouais, on va pas sortir les mouchoirs non plus, mais bon, on s'est dit ouais c'est une victoire personnelle et vraiment putain ça nous a fait plaisir ça, vraiment les gens réussissent à dire ça. Et tu vois, regarde, là où toi tu es ému pour certains trucs avec par rapport aux commentaires, des gens sont émus, d'autres youtubeurs aujourd'hui qui sont, on va dire, millionnaires au niveau des vues, Ouais. sont émus grâce aux dons. Si tu veux, c'est ça la différence entre un passionné, Ouais. amateur, indépendant C'est et ça. quelqu'un de sponsorisé aujourd'hui qui gueule un peu comme le JDG ou d'autres personnes parce Ouais. qu'ils sont moins référencés. C'est ça qui est magnifique, je trouve, dans le côté indépendant. Ouais, non, mais encore une fois, voilà, nous on fait pas ça pour ça. Alors après, voilà, si je pense qu'on va mettre en place aussi un système de dons type Utip ou enfin je sais pas, des trucs comme ça peut-être pour les gens qui veulent, parce que c'est vrai que on travaille quand même, faut que les gens sachent que même s'ils ont l'impression qu'on est une chaîne pro, on l'est pas du tout, et contrairement à ce que les gens peuvent peut-être s'imaginer, on a très peu de matos, hein. D'accord. Vraiment, hein. Je sais que ça surprend toujours les gens, mais je vais te dire un truc, je vais peut-être casser un mythe là, mais moi je tourne encore avec une webcam hein, quand même, hein, mes vidéos. Hein. Ouais, mais après, on va dire Voilà, que si tu as un bon logiciel pour le mix, le mixage des présentations, ouais. des incrustes au niveau de l'image, etc., bah c'est Ah, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'incrustations. Ouais, les gens qui connaissent notre chaîne, Lord Paddle, savent qu'on fait beaucoup d'effets spéciaux, des trucs sur fond vert. J'ai un fond vert chez moi, je m'en sers quand même beaucoup, beaucoup. Hein. Ah, le pépère, je le rentabilise, là, je peux te dire. Hein. Il chauffe, lui. Hein. Non, mais Ah, c'est bien réussi, c'est bien réussi. Il faut dire que c'est vraiment un travail de qualité que moi j'ai repéré par rapport à d'autres personnes qui veulent, on va dire, imiter entre guillemets ce qui a été fait avant par des précurseurs. Et je trouve que vous avez fait aussi bien, voire mieux sur certains passages de vos vidéos que d'autres. Parce que vous avez le côté. D'autres personnes ont le côté humoriste. Continue dans la vidéo, mais vous avez les informations en plus qui sont justes que vous donnez aux spectateurs. C'est pas seulement un divertissement que vous offrez aux personnes. oui, tout à fait. Et je trouve qu'il y a un côté culturel qui est très intéressant dans ce que vous faites. C'est ça qui, je pense, qui va vous démarquer peut-être dans le futur. Après, à vous de voir si vous voulez vraiment, comment dire, passer au niveau au-dessus en cherchant des sponsors, etc. Alors non, pas chercher des sponsors, ça nous intéresse pas. De toute façon, moi et David, tu vois, comme j'ai dit, on a déjà un travail à côté, donc si tu veux, on gagne notre vie correctement, on n'a pas de soucis financiers ou de trucs là, donc on n'en est pas à quémander, si tu veux, ou à réclamer de l'argent, ça on s'en fout de ça. D'ailleurs, je dis toujours à David que le jour où on fait ça, faut qu'on arrête. Si un jour on a envie de faire ça, je me dis non, parce que là on va commencer à faire de la merde, ce sera intéressé, et je pense qu'on perdra cette âme qu'on essaie de mettre dans notre chaîne, et je pense qu'on perdra quelque chose. On sera dans l'idée de vouloir faire quelque chose pour profiter d'un aspect pécunier, et ça serait franchement dommage. Je pense que le fait qu'on soit détaché de ça nous apporte un autre regard, si tu veux, sur la création. Enfin, moi je pense, après je suis pas le meilleur. Je Ouais, suis bien pas le sûr, mieux bien sûr. placé pour juger de ça. C'est plutôt aux gens à l'extérieur de juger de ça. Mais c'est le retour qu'on en a. Donc je me dis, je dois pas trop me tromper quand je dis ça. Voilà. Mais par contre, voilà, là où j'aimerais que voilà ça évolue un peu dans les années qui viennent, là, ce serait que j'aimerais bien voilà qu'on mette en place un système de dons pour qu'on puisse commencer à financer de l'achat de nouveaux matériels pour que je puisse enfin tourner, moi et David, avec autre chose qu'une webcam, quoi. Putain, une vraie caméra ou un appareil photo hybride ou je sais pas, une GoPro, enfin n'importe quoi, mais autre chose de mieux, tu vois, Bien sûr. une webcam pour des trucs tout bêtes, hein, que je puisse enfin filmer à autre chose que 30 FPS, quoi, que je puisse filmer, je sais pas, en 50, en 60 quand j'en ai envie, que je puisse régler la vitesse d'obturation des images, tu vois, des trucs basiques comme ça de travail audiovisuel, tu vois, mais ne serait-ce que des trucs comme ça que je ne peux pas faire avec une webcam parce que c'est très limité. Bon, Ah ouais, je comprends ah, tout à fait. c'est comme ça. Bon. Ouais, et donc là, pour en revenir au rétro gaming, je vais te poser 3-4 questions par rapport à ton passé. Ouais. Pour toi, quel a été le jeu déclencheur qui t'a fait revenir en fait dans le rétro gaming? Est-ce qu'il y a un jeu particulier qui t'a fait basculer en fait et qui t'a dit « il faut que je fasse des vidéos par rapport à l'époque que j'ai appréciée à tel ou tel moment » Ah, c'est une très bonne question, ça. Et qui est pas évidente à répondre. Alors, D'accord. qui est pas évidente à répondre. Écoute, moi, les gens qui me connaissent d'ailleurs sur la chaîne savent que Silent Hill, c'est mon jeu fétiche. Je l'ai dit toujours, le premier sur PlayStation, ça a été un énorme coup de cœur quand je l'ai découvert quand j'étais plus jeune. En fait, c'est pas moi qui y jouais, c'était mon grand frère qui l'avait sur PlayStation. Bon, après par la suite, bon, il a revendu la Play, il s'est acheté une autre console. Mon frère, il faisait beaucoup ça. À un moment, il a eu la Dreamcast, il a revendu, il a acheté ensuite une autre console, une Xbox, enfin je sais plus quoi qu'il a eu après. Bon, voilà. Et donc moi, de temps en temps, j'allais dans sa chambre. Et puis je regardais un peu les jeux auxquels il jouait. Ouais. Par exemple, il y a un jeu sur Dreamcast que j'ai beaucoup suivi. Je l'ai regardé faire en entier, d'ailleurs, de A à Z. Il a fini le jeu, d'ailleurs. C'était Jet Set Radio. D'accord. Jet Set Radio, par exemple, je l'ai vu jouer à ce jeu en entier. Et je l'ai beaucoup suivi quand il faisait Silent Hill. Et déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais fasciné par l'ambiance, le côté ésotérique. Là, je parlais d'esthétique, mais là, c'est monstrueux, Silent Hill. Ah oui, oui. Esthétique, c'est du jamais vu. Moi, j'avais jamais vu ça. Et donc, j'ai été fasciné et j'arrêtais. Je pouvais pas décrocher, quoi. Et par la suite, quand je me suis remis à y jouer, que moi, je l'avais pour de bon, ouais, je me suis dit, bon, ben voilà, le rétro gaming, c'est mon truc, quoi. Alors, c'est mon truc, quoi. Je sais pas si ça a forcément été l'élément déclencheur, mais aujourd'hui, il se trouve que c'est mon jeu fétiche. Je dis toujours que si je partais sur une île déserte et que je devais emporter un seul jeu, ce serait Silent Hill. Moi, c'est pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Là, on est dans cet aspect artistique dont je te parlais. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que le jeu touche dans la dimension artistique et dans ce que la Team Silent a voulu créer, qui est extraordinaire, qui va au-delà du jeu vidéo. J'en ai longuement parlé dans notre vidéo sur Silent Hill, justement. Le fait que ces mecs-là, la Team Silent, qui est un peu considérée comme des losers à Konami, d'ailleurs, au départ, hein, c'est l'histoire, elle est marrante, hein, quand tu t'y penches un peu, c'est la vengeance des nerds, un peu, quoi. C'est un peu ouais, ça. Ouais, bien sûr. C'était les mecs, une partie d'équipe de Konami qui était mise de côté, où les mecs, ils avaient jamais rien fait de bon, et puis on leur avait dit, bon, dernière chance, on a un projet, là, ça s'appelle Silent Hill, mais au départ, bon, on savait plus ou moins un autre titre, d'ailleurs. Vous bossez dessus, vous nous proposez quelque chose, mais on vous prévient, si cette fois, dernière chance, vous nous proposez rien d'intéressant, vous dégagez. Et les mecs, ils ont lu les idées qu'on leur avait données. L'idée au départ, c'était de pouvoir exporter le jeu aux États-Unis. D'accord. Surtout, de Konami. Donc, ils voulaient faire un truc un peu à l'occidental. Et les mecs, ils ont réfléchi, ils ont dit non, on va trouver autre chose, ça c'est nul. Nous, on est japonais, on va essayer d'un peu quand même aussi de faire des trucs à notre façon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont proposé leur truc à leur façon. Ils n'ont pas trop suivi ce que les mecs de Konami au-dessus, les chefs, en gros, entre guillemets, ils avaient proposé. Et les mecs, ils sont arrivés avec le projet. Et là, les mecs de Konami, ils ont dit ouais, bah super, bravo les gars. Et voilà, et après ça a donné le truc de légende qu'on connaît, quoi. Mais c'est vrai que c'est un ovni, ce jeu, à l'époque. C'est c'est exceptionnel. Pour moi, il dépasse dans l'esprit l'imagination des programmeurs, il dépasse Resident Evil, pour moi. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est une autre qualité de jeu, on va dire, mais on retrouve un peu ce qu'on aime quand on lit un bouquin ou qu'on voit un bon film de science-fiction. Tout à fait, exactement. Voilà, ce qu'ils ont compris, les mecs, c'est pour ça que ça a marché aussi comme ça, c'est que contrairement aux mecs de Capcom qui ont fait Resident Evil, les mecs de la Team Silent, ils venaient pas du tout de l'industrie des jeux vidéo, c'était des mecs qui avaient fait, tu sais, qui avait étudié les beaux-arts à Tokyo. Et voilà, ils ont apporté ce bagage, encore une fois, artistique, et ils ont proposé une autre vision des jeux vidéo. Ils ont dit, mais enfin, on peut faire les jeux vidéo autrement qu'en faisant des trucs avec des boss, des niveaux, des trucs d'action, on se tire dessus, etc., etc. Ils ont dit, non, nous, on va proposer autre chose. Et ils sont partis puiser leur inspiration plutôt dans le cinéma, la littérature, tout ça. Tu sais, par exemple, les noms des villes dans la rue qui sont inspirés d'écrivains. Bon, ça, c'est un truc qui est très connu dans le jeu. Tu vois, t'as des références à James Ellroy, t'as des références à des grands romanciers comme ça, Dean Koontz, voilà, des tas de romanciers comme ça, plutôt dans le fantastique d'ailleurs, mais aussi dans le polar, des allusions à Stephen King, tout ça, bon voilà, y en a plein. Dans le cinéma, c'est pareil, t'as des clins d'œil à un moment dans la rue, dans des rues de la ville, tu trouves, y a une affiche de cimetière. Ouais. Le film là, d'après le roman de Stephen King, t'as des références à Shining, des trucs comme ça, t'en as plein, quoi. Puis deux trois autres trucs qui sont un peu plus cachés, c'est un festival de références, ce jeu, ça c'était du jamais vu. Et puis l'ambiance, le scénario qui est incroyable, quoi. Les mecs ont inventé un univers, un truc qui avait jamais été fait auparavant qui a pas trop été refait par la suite, d'ailleurs. Non. Ça reste un ovni, même encore aujourd'hui, c'est fou ça. Pourtant, ça date de 99, hein, ça date. Hein. Bah, il mériterait, je pense, une version remaster, peut-être avec des graphismes adaptés à notre époque aujourd'hui. Ouais. Et puis, c'est vrai que visuellement, c'est un peu vieilli. Par contre, c'est vrai que le côté un peu. Ouais, c'était un peu limité par le processeur, je pense, de la PlayStation. Enfin, pas forcément le processeur, mais bon, voilà, ils étaient limités un peu par, bah si, les limites techniques de la machine, mais c'était quand même déjà très impressionnant pour un jeu de PlayStation en 99. On peut dire ce qu'on veut sur la 3D, on peut trouver que ça a mal vieilli, mais enfin, quand même, les effets de brouillard au début dans la ville, tout ça. Ouais, il y a certains qui me disent, oui, mais c'était pour camoufler la misère, tout ça. Non. Peut-être, bah, je pense pas. Il y a certains qui ont dit que c'était pour des problèmes d'affichage, c'est que les limites de la PlayStation. La distance. Voilà, on pouvait pas afficher le fond des décors, donc ils avaient trouvé cette idée du. Ça, on en a parlé dans la vidéo. Ouais, d'accord, c'était un truc qu'ils ont fait aussi pour par rapport aux limites techniques du programme. Je suis d'accord, mais n'empêche qu'ils ont réussi à créer quelque chose de visuel d'extrêmement fort, et dans le scénario, quelque chose de puissant. Ces histoires de mondes parallèles, de mondes alternés, c'était complètement dingue, quoi. J'ai jamais vu. Et puis, cette approche mystique, ésotérique, les évocations de. Enfin, quand même, des sujets très, très graves, quand même les sectes, les trucs un peu sataniques, la maltraitance des enfants aussi, parce que c'est un peu le gros du scénario. Ça tourne quand même autour d'une jeune fille qui est torturée, quand même, et qui a été torturée pendant des années. C'est quand même des sujets qui sont putain, forts, ouais, adultes. Putain, c'est des sujets extrêmement graves pour un jeu vidéo, quoi. Des trucs on jamais parlé de ça auparavant, quoi. Bah, c'est ça. Mais on l'avait dit, je pense, de toute manière, c'est que la PS1, c'est une console qui a fait la rupture entre les consoles limite adolescent-enfant, Sega Nintendo à l'époque, et qui a fait une rupture pour le monde adulte. Il y a beaucoup de jeux qui ont des thèmes assez forts comme ça. Ouais, on est rentré dans quelque chose d'adulte. Alors, si tu veux, bon, c'était déjà arrivé auparavant, mais c'était jamais allé aussi loin. Là, on a franchi une étape qui fait que après Silent Hill, bah pour moi, bah les jeux vidéo, ils ont plus jamais été pareils, quoi. Voilà. On a franchi une étape, et c'est pour ça que ça reste un chef-d'œuvre absolu des jeux vidéo pour Silent Hill. Non, je voulais te poser la question. Est-ce que toi, t'étais plus, on va dire, Nintendo ou plus Sega quand t'étais jeune? Est-ce que t'as connu cette époque des 16 bits? Oui, tout à fait. Alors, je vais te répondre très simplement. Moi, j'ai pas de parti pris entre Nintendo et Sega, mais comme à l'époque, j'étais enfant, que j'avais des parents, il fallait faire un choix. Ouais. Notre choix, il s'est fait du côté de Nintendo. Voilà, désolé, les fans de Sega, me tapez pas. J'en fais partie. Voilà. Non, je plaisante. Non, c'est pas que j'aimais pas, gamin, les jeux Sega, mais c'est juste que voilà, il fallait choisir. Mais je vais te dire, quand j'étais gamin, alors. Non, faisons les choses dans l'ordre. J'ai d'abord eu, vers la fin des années 80, j'ai eu d'abord une Game Boy, sa première console que j'ai eue. Donc la première, d'accord, évidemment. Ouais. Et après, vers l'âge de 11 ans, 12 ans, ça a été le bonheur absolu parce que mes parents, ils m'ont acheté une NES avec le zapper. Et là, waouh, putain, là, ça, clairement, ça a révolutionné ma Duncan. Vie. J'ai eu la NES avec le Action Pack avec le zapper, et puis il y avait la double cartouche Super Mario Bros. Duck Hunt, que j'ai toujours d'ailleurs. Et depuis, bah, j'ai commencé ma collection de, entre guillemets, de jeunesse, et j'ai la chance d'avoir gardé tous les jeux que j'avais à l'époque et d'autres que j'ai achetés entre temps. Et aujourd'hui, j'avoue, j'ai quand même une belle collection de jeunesse complète. Tu as gardé les boîtes ou pas? J'ai gardé tout, les boîtes et les notices, en super état. Ça a été conservé dans une grosse boîte en plastique. C'est dingue, ça. Ouais, alors franchement, j'ai des jeux de l'époque. Je sais pas, je vais te citer des jeux que j'ai. Tiens, ben, je me retourne parce qu'ils sont juste derrière moi sur les étagères. Vas-y. On voit dans mes vidéos. J'ai Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, Darkwing Duck, Little Nemo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Gargoyle's Quest 2. Ah, génial. Mais on va dire que si un jour t'as un problème financier pour ta maison ou quoi. Ah, c'est sûr. D'époque, hein. Ah ouais, d'époque. Adventures in Magic Kingdom. J'ai DuckTales 1, DuckTales 2. Bon, DuckTales 2, je l'ai acheté plus tard, celui-là. Des jeux d'époque, j'ai Chippendales 1 et 2. Ça, d'accord. C'est super. Parce que ça vaut cher aujourd'hui. J'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Super Mario Bros. 2, 3, Metroid d'époque aussi. Ah. Celui-là, je me souviens. Mes parents, ils me l'avaient acheté dans un vieux Carrefour en bas de chez moi. C'était au fond, c'était côté rayon électroménager. T'avais du goût, on va dire. Ah ouais, j'avais du goût. Kirby's Adventure, qui a été un des derniers jeux qu'on a acheté à l'époque, parce qu'après la NES, bah, ça s'est terminé. Kirby's Adventure, chez nous, c'était un des derniers jeux de la NES qu'on a eu quasiment. Hein. Oui, je crois qu'au Japon, ça a continué, mais ça a continué grand maximum vers 94. Hein. Après, ça s'est arrêté. C'est allé tard parce que oui, il y a eu Aladdin, il y a eu le livre de la jungle qui sont sortis. Les Disney sont sortis très tard. Le Roi Lion. Il y a eu aussi le truc sur comment ça s'appelle Woods. Tu sais, un truc, un spin-off de la série de Mario, mais plutôt version Tetris. Wario Woods là. Voilà, Wario's Woods. Ouais. Wario Woods. Je pense que c'est un des derniers. C'est possible. Après, j'étais pas excessivement fan de Wario, donc je pourrais pas te dire les dates exactes. Ouais, c'était un des derniers jeux qui est sorti sur NES au Japon, aux États-Unis, je pense. C'était vers 94. Non, je crois que c'est pas allé au-delà, si je me trompe pas. Je pense que c'était. Voilà, après, dans les jeux que j'ai aussi d'époque, hein, je parle de ceux que j'ai eu à l'époque, Kabuki Quantum Fighter, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Ouais. J'ai Castlevania 1 et 3 d'époque. D'accord, ah, ben, là, ouais, c'est bien, c'est bien. Franchement, une belle collection, hein, parce que si tu me dis ah que bah tu as ouais. gardé. Parce que le truc, c'est que c'est ça, c'est que quand t'es jeune, ou t'as moins de 15 ans, on va dire, en général, les boîtes NES et les boîtes Super NES, ça vole dans la poubelle à un moment donné. Ouais. Et surtout la NES, hein, je me souviens qu'on n'avait pas. Comment dire, l'éducation pour garder les boîtes à l'époque, ça traînait un peu sur la moquette dans le salon et Ah, ça... c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, Mais... mais bon, bah, finalement, il se trouve que j'y ai fait attention et je regrette pas. Autant il y a d'autres trucs dont j'ai pas forcément fait très attention quand j'étais gamin, notamment tous mes magazines, mes Nintendo Player. J'ai une grosse collecte de Nintendo Player d'époque. Ouais. J'y ai pas beaucoup pris soin, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Mais là, les jeux, ouais, pas de problème. J'ai aussi Batman 1 et 2. Je suis très content de les D'accord, voir. J'ai Gremlins 2, j'ai Fester's Quest. ouais. Gremlins, qui est un excellent jeu, je trouve. Ah ouais, mais Ouais. un peu court et un peu Ouais. facile, je trouve. C'est un peu dommage. Ouais. Mais c'est du grand Sunsoft de l'époque, hein. Ah oui, si, dans les jeux, je suis très content d'avoir, c'est Blaster Master, qui est un jeu Ouais. que j'aime beaucoup, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne. D'époque, j'ai gardé aussi Blue Shadow, D'accord. Power Blade. J'ai aussi Isolated Warrior, c'est un des tout premiers jeux que j'ai eu d'ailleurs. Isolated Warrior, qui est un shoot 'em up en vue isométrique, qui est super. Ouais, avec un petit bonhomme là, un petit perso là, c'est ça? Ouais, un guerrier en fait, Ouais. avec un espèce de pack, tu sais, de jetpack dans le dos. Enfin, il vole pas vraiment, enfin, dans certains niveaux, il vole au-dessus du sol, mais. Ah oui, j'ai Probotector 1 et 2 aussi. Ouais. Enfin, les avoir. J'ai Gradius, qui a été aussi un des premiers jeux que j'ai eu, et Gradius et Life Force. Ah, très bon shoot, ouais. C'est des deux très bons shoots, ouais. Alors moi d'ailleurs il se trouve que je suis un spécialiste des shoot 'em up, hein. Ceux qui connaissent ma chaîne ou qui me connaissent le savent, hein. D'ailleurs je pense l'avoir largement prouvé avec notre vidéo sur les shoot 'em up, et puis d'autres vidéos qu'on a fait sur Dodonpachi, sur Apidia, sur Amiga, qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme shoot 'em up. Bon, on a fait une vidéo un peu long, let's play sur Gradius 3. On a Ouais. fait une vidéo sur la saga R-Type. Ouais. On a fait R-Type le long play aussi, sur lequel on a fait une intro qui défonce d'ailleurs, qui a été très difficile à faire, mais qui a été super fun, qu'on regrette pas, même si la vidéo a pas très bien marché. Mais bon. Dans le futur, ça peut toujours marcher plus à un moment donné, après. Ouais, ouais. Oh, aujourd'hui, je me fais pas trop d'illusions. C'est pas. Je pense que c'est une vidéo qui décollera pas spécialement, quoi. Peut-être d'autres, ouais, mais celle-ci, bon, voilà, on l'a fait plus pour le plaisir, quoi, qu'autre chose, quoi. Mais je regrette pas. C'est l'intro, on s'est défoncé pour faire un truc super fun où je me prépare en mode badass, un peu Schwarzenegger dans Commando, tu sais, un peu Ouais. comme ça. Quand il se prépare à la fin pour la bataille finale, c'est un peu la source d'inspiration de l'intro de R-Type le long play, avec le personnage du colonel aussi, qui est un personnage récurrent dans la chaîne que les gens aiment beaucoup d'ailleurs. Ouais. Qui me donne les ordres, tu sais, sur un truc un peu militaire. David, il s'est fait chier à programmer, je me souviens, l'interface où on voit l'ordre de mission. Et là, on s'est tapé un délire, tu sais, à présenter un peu tous les niveaux de R-Type, le 1, le 2, le 3, je sais plus, je crois, il y en a 7. Et sous forme d'ordre de mission, voilà, vous devrez exterminer l'Empire Bido et tout, on compte sur vous. T'as un truc comme ça. Et puis moi, je suis compositeur, donc tu sais, j'ai composé la musique de la vidéo. Ouais. J'ai composé le générique de début et de fin de toutes les vidéos d'ailleurs de la chaîne, hein, c'est moi qui fais musique, et j'avais composé aussi une grosse musique qui accompagne toute l'intro de R-Type le long play. Ouais, c'est un beau souvenir. C'était il y a 2 ans, hein, mais Mais très très de toute souvenir. manière, on vous invite tous, ceux qui nous écoutent, à aller voir la chaîne de Lord Paddle sur YouTube. Hein, c'est une chaîne qui a besoin de décoller parce que sincèrement, le travail est de qualité et puis ça vous fera un peu penser à autre chose quand vous jouez aux jeux rétro et pas forcément à des jeux enfantins, quoi. Il y a tout un univers autour et vous exploitez bien ça, je trouve, dans vos vidéos. Ouais, je te remercie, ouais, c'est sympa. Ouais, bah écoute, on essaie aussi de créer des personnages, on est très porté sur la mise en scène. Je pense que moi, ça vient de ma passion pour le cinéma, tu vois. J'ai beaucoup appris, je dois avouer, en regardant des films, tout simplement. Et il y a un truc que j'ai beaucoup regardé aussi, c'est les making-of. Ouais. Ça paraît peut-être étonnant, je sais pas, mais j'apprends énormément en regardant les professionnels bosser. J'adore ça. J'adore ça. Parce que je sais qu'on sera jamais professionnel. Parce que bah, c'est pas notre métier, c'est un métier avant tout. Hein, faut pas oublier. Hein. Moi, j'ai deux de mes meilleurs amis qui sont professionnels dans l'audiovisuel. D'accord. Donc, si tu veux, je sais ce que c'est. Je les ai déjà vus bosser. J'ai déjà assisté à un tournage d'un court-métrage pour lequel j'ai composé la musique il y a 10 ans environ. Et donc, si tu veux, les professionnels travailler, j'ai déjà vu. J'ai déjà vu ça. Je sais ce que c'est, je sais que nous, on n'y arrivera jamais, mais tant pis, on s'en fout, puisque c'est pas le but de la chaîne non plus. Si on voulait faire du cinéma, on ferait pas une chaîne YouTube, hein, voilà. D'abord, on ferait une école de cinéma, hein, déjà pour commencer, parce que ça reste un métier, qu'on le veuille ou non, hein, donc... Il y a des connaissances à avoir, il y a de la pratique à faire, il faut étudier, c'est comme tout, hein. C'est comme moi, je suis compositeur, je suis pas devenu compositeur en claquant des doigts, hein. J'ai fait le conservatoire à Toulouse, j'ai fait le CNR, j'ai un prix en formation musicale, j'ai étudié l'harmonie, j'ai bouffé des chorales de Bach en large et en travers. J'ai fait beaucoup de trucs, j'ai fait de la musique de chambre au conservatoire, enfin bon voilà, j'ai bourlingué quoi. Mais j'ai pas ce parcours là par contre dans l'audiovisuel. Ça non, hein. On a un peu appris sur le tas en suivant un peu les conseils de mes potes qui sont dans l'audiovisuel, et bon bah ça a été un travail qu'on a fait de longue haleine, et on a adoré le faire. Et on reste toujours ouvert sur les conseils, hein. Moi, des fois, il y a mes potes qui me disent « Ouais, là, c'est bien, mais tu pourrais peut-être un peu... » Je dis « Ouais, ouais, d'accord. » Ah, ben, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a parfois une côté un peu remise en cause, tu sais. Et on est tellement à fond que parfois, ça peut arriver qu'on ait un peu des réactions un peu... Bon, des réactions fermées, on va dire. Ouais, pas fermées, mais c'est vrai qu'il fut une époque où on prenait pas toujours forcément bien, mais à la fin, on tenait toujours compte de ce qu'on disait, et c'est comme ça qu'on a réussi à évoluer. Tu sais, si on s'était complètement braqué, on n'en serait pas où on en est là. Hein. On aurait évolué, et les gens, ils auraient dit ouais, bon, c'est nul, c'est de la merde ce qu'ils font, tout ça. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'on a écouté les conseils. Hein. Voilà, bah, le béaba, après, je pense, c'est la qualité visuelle et la qualité sonore. Si déjà le son est. Il y a une bonne écoute au niveau de tes vidéos, je pense que déjà, c'est quelque part, c'est gagné, parce que ce que tu vas diffuser va être audible, c'est la principale. Parce que combien de fois tu as des chaînes sur YouTube où le son est dégueulasse. Voilà, alors c'est ce que je voulais te dire. C'est un reproche que je fais à la plupart des chaînes amateurs, et pourtant il suffirait pas de grand chose, hein. Ce que je dis souvent à des gars qui viennent me... Bon, il y a des fois des gens que je connais ou que je connais moins qui viennent me demander des conseils, parce qu'ils disent ouais, tu fais des chaînes de qualité, est-ce que tu pourrais me filer des conseils? Je leur dis ouais, bon, je sais pas si je peux vous filer tant de conseils que ça, vous savez, moi aussi j'apprends, hein. Mais je leur dis, mais par contre au niveau du son, là je connais parce que c'est mon domaine de compétence, puisque je suis musicien et que j'ai une formation à la base, et le béaba déjà, c'est d'avoir un bon micro, hein. Je sais que ça paraît peut-être une banalité, mais franchement, je dis toujours à un mec, mais sérieux, mais mettez de l'argent de côté, mais investissez dans un bon micro, mais même un micro USB, mais ce sera toujours mieux que des trucs genre les micro-casques là, mais surtout je leur dis, mais ne faites pas vos vidéos avec ça, c'est de la merde, vous vous rendez pas compte, il faut un micro correct, il y en a plein qui sont accessibles pour pas si cher que ça, je sais pas, des Bird UM1, les Blue Yeti, bon, pour moi, il y a beaucoup mieux que tous ces trucs là, mais bon. Mais si tu veux commencer, c'est pas si mal que ça. Mais après, il y a le mixage, c'est très important. Combien de fois j'ai dit à des mecs, mais baisse le volume de la musique derrière. Mais putain, il faut qu'on entende ta voix. Mais c'est pas possible. Je dis au même, tu parles et t'entends même pas que la musique derrière, elle couvre ta voix. On n'entend rien à ce que tu dis. C'est après, vrai, ouais. Et le mec, ouais, t'as pas remarqué ça souvent? Oui, oui, souvent, c'est vrai. C'est fou ça, mais parfois je me dis, je sais pas, c'est peut-être parce que bon, après ça fait un peu partie de mon métier, tu sais, peut-être que je me dis, mais je sais pas, peut-être qu'ils ont pas l'oreille développée ou ils se rendent pas compte. Mais non, souvent je crois que les gens se rendent pas compte tout simplement. Oh, je peux pas en vouloir aux gens non plus, je veux dire, on peut pas demander non plus à tous les gens d'avoir une oreille, mais il y a un minimum. Je dis toujours, la voix et la musique, le mixage c'est 70% voix, 30% musique. Pour moi, c'est ça, bruitage. Tu baisses le volume de la musique, et tu montes un peu le volume de la voix avec et tu rajoutes un petit equalizer, parce que souvent les micros, tu sais, ils ont tendance à avoir beaucoup de fréquences graves, à avoir un son un peu étouffé. Moi, c'est le cas du mien, hein. Moi, j'ai un micro à 400 euros, donc bon, j'ai un micro studio, mais bon, il a ses limites aussi, hein. Omnidirectionnel, donc c'est une bête de course, hein. Mais il a tendance à avoir un son un peu étouffé. Donc souvent sur ma voix, quand je mixe ma voix dans les vidéos, je suis obligé de rajouter un equalizer pour augmenter un peu l'aigu et les médiums, et baisser vraiment les graves. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup trop de graves et le son était étouffé du coup et manquait un peu de clarté, quoi. Bon, et voilà. Mais ça, ce travail, c'est nécessaire, parce que, et c'est ça aussi qui fait la différence après au niveau du résultat, quoi. Oui, mais quand on dit de toute manière que, comment dire, le cerveau humain a une capacité de concentration de 20 minutes, concentration maximale, si déjà au bout de 5 minutes le son est mauvais, je pense que le cerveau il se déconnecte. Donc, ouais, tout à fait, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est une erreur que beaucoup de mecs font, enfin, une erreur que ils se rendent pas forcément compte, mais que beaucoup de youtubeurs font. Et combien de fois j'ai dit à des mecs, baisse le volume de ta musique, putain, mais arrêtez de mixer la musique forte, ça sert à rien, on s'en fout. Qu'est-ce que les gens viennent regarder? Ils vont d'abord écouter ce que t'as à dire. Bon, ben, baisse la musique, on s'en fout. Ou alors, dans ce cas-là, tu fais un clip musical. Des fois, je comprends pas pourquoi les mecs pensent pas à ça. Alors que t'as même pas besoin d'être professionnel pour ça. T'as Oui, pas oui, besoin c'est d'avoir... la... C'est C'est une la... question de bon sens. Tu écoutes et tu te dis, Exactement. mince, la musique. Ou alors, tu fais écouter à quelqu'un d'autre. Si toi, t'as pas de recul. Je comprends pas parfois. Il y a des trucs qui pourraient être simples à faire et que les mecs font pas. Je comprends pas. Et c'est un peu le reproche, ouais, que je fais à beaucoup d'autres vidéos, ça, et puis pour le fait qu'on on trouve toujours un peu toujours les mêmes trucs. Moi, personnellement, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais tant pis, hein, je suis du genre à dire tout ce que je pense, donc je m'en fous. Je sature un peu, je t'avoue, de toutes les vidéos d'unboxing, là, ou de Ah, fouxetteurs aïe, qui aïe, montrent leur collection, ouais, genre à bah. celui qui va avoir la plus grosse bite, quoi, t'sais, un gros Non, mais quoi. justement, tu vois, je voulais te poser une dernière question si tu avais le temps. Ouais. C'est comment vois-tu le milieu des collectionneurs aujourd'hui? Est-ce que pour toi, il y a une cohérence quelque part où tu trouves ça de plus en plus ridicule dans les extrêmes? L'unboxing, le full setting de jeux qui n'ont ni queue ni tête parce qu'il y a des full sets japonais, américains, français maintenant. Il n'y a plus des full sets complets parce que des gens se sont rendus compte que finalement, avoir un full set Ouais. en PAL, ça ne valait rien quand tu savais qu'en japonais, il y avait d'autres jeux qui existaient. Tout à fait. Donc, comment tu Donc, vois le milieu de la collection aujourd'hui? Quel regard tu as? bah écoute, après, bon, moi je peux pas juger ce que font les autres. Je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, mais moi ça me gave, clairement, ça me gave parce que je trouve que c'est trop. On est trop aujourd'hui dans le truc de vouloir montrer celui qui a la plus grosse collection, et finalement, au bout d'un moment, t'as envie de poser la question à ces mecs, t'as envie de leur dire, mais est-ce que tu joues au jeu? Est-ce Ouais. qu'avec tout ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu y joues? Moi, j'ai acheté les jeux ou j'achète encore des jeux aujourd'hui parce que je les aime et parce que j'ai envie d'y jouer, parce que c'est une passion. Mais j'ai du mal parfois à voir la passion dans des grosses collections comme ça, quoi. J'ai du mal à voir la passion. Peut-être que c'est une passion pour la collection, je sais pas. Mais moi, je connais un exemple d'un mec qui, paraît-il, a tout ce qui existe. J'avais entendu parler de ça, je sais pas, il y a quelques mois, une histoire d'un mec qui a, tu sais, qui a une des plus grandes collections de jeux vidéo en John France. Hancock aux États-Unis, non? Non, en France. En D'accord. France ou en Belgique, je sais plus, ou c'était En peut-être en Belgique. Belgique, ouais, en Belgique, il y en a un apparemment qui, ouais, que Ouais. j'ai cru voir aussi, ouais. Et le mec, il avait avoué que, mais non, mais en fait, j'ai la collection, mais je joue à aucun jeu. Mais quel intérêt? Mais t'achètes un jeu, c'est avant tout pour y jouer. Mais ben, si c'est tant une passion que ça, ben, t'y joues. Mais l'acheter, si tu veux, pour la collection, c'est ridicule. Et c'est un peu le reproche que je fais au full setter, finalement. Et je trouve que finalement, c'est en plus, c'est ces mecs-là qui alimentent un peu cette espèce de marché de hype qu'il y a sur Oui. le rétro gaming et qui fait que les prix grimpent sans arrêt. Alors une fois, il y a un mec qui m'a dit, ouais, tu peux pas dire ça quand même, c'est l'offre et la demande, c'est normal. Je dis, oui, mais non. Non, parce S'il n'y que a pas l'offre et la d'offres, demande. il n'y a plus d'offres à un moment à cause de Et ce jeu. voilà, je veux dire, ouais, mais ça se fait pas tout seul non plus. C'est aussi Ouais. parce qu'il y a des gens qui alimentent les prix. Elle me dit, ouais, mais quand même, tu peux pas tout leur mettre sur le dos. Je dis, bah, je mets pas tout sur le dos, mais enfin, tu vas quand même pas me dire que c'est quand même pas vrai que dans les full setters, les collectionneurs, t'as des mecs qui sont prêts à mettre 200, 300 euros dans un jeu. C'est ridicule. Moi, je Mais n'ai ouais. jamais acheté aucun jeu en mettant plus de 100 euros. Jamais. Je crois que le plus cher que j'ai dû mettre, c'est maximum, allez, je sais pas, grand maximum 80 euros. J'ai Ouais. jamais dépassé, je suis jamais allé au-delà. Pour Moi, c'est une un question de Batman et principe. Robin, peut-être sur Mega Drive 80, non? Non, 4, non, 80. Ah non, non, non. Alors, Même j'ai une pas? Mega Drive. Oui, alors, excuse-moi, tout à l'heure, j'ai parlé de Nintendo, mais je voudrais pas me mettre les fans de Sega à dos. J'adore Sega. J'ai deux Mega Drive, dont une qui est switchée, et l'autre que j'ai hérité de, bah, que j'ai hérité de ma grand-mère, que je salue D'accord. si un jour elle écoute. Ah ouais, j'ai une grand-mère qui joue aux jeux vidéo, c'est Bah c'est cool. bien. C'est bien. Ah, c'est super, ouais, grand-mère, c'est étonnant. Hein, ah ouais, si, qui m'a filé sa Mega Drive parce que bon, elle y jouait plus. Et puis j'ai une Dreamcast aussi, j'ai une Super Nintendo, ouais, j'ai pas cité tout ce que j'avais, bon voilà. Mais côté Sega, j'adore. Et c'est vrai que je t'ai pas forcément dit ça tout à l'heure, mais quand j'étais gamin, je rêvais d'avoir une Mega Drive. D'accord, d'accord. Je fantasmais grave sur la Mega Drive, mais comme comme je t'avais dit, il fallait faire un choix, que mes parents ils pouvaient pas tout acheter, donc on a fait un choix côté Nintendo, mais je rêvais d'avoir une Mega Drive et depuis je me suis bien rattrapé, j'avoue. Je commence à depuis un peu moins d'un an à avoir une toute petite collection de jeux Mega Drive, mais je suis content là. Je regarde ma collection, j'ai pas mal de Shoot'em Up, Zero D'accord, Wing, d'accord. Air Buster, Wipe Rush, Jinook, Insector X, j'ai Thunder Force 3 et 4. J'ai Sonic 1, 2, 3, bon, les fondamentaux, Street of Rage 1, 2, Empire of Steel, qui est un shoot'em up que j'aime beaucoup, Oui. e-SWAT, Et j'ai. Twin Cobra aussi, non, tu n'as pas? Alors, Twin Cobra, non, je l'ai pas encore, mais ça va venir. Ça, c'est un. D'accord. Non, il y a un jeu que je cherche depuis un moment, un shoot'em up, c'est Hellfire. Hellfire, j'aimerais D'accord, bien voir d'accord. celui-là. Bah, je te les conseille aussi en version américaine et japonaise, ils sont compatibles sur la PAL. Après, tu as une console switchée, donc. Ouais, tout à fait. Non, mais d'ailleurs, justement, il y en a que j'ai en japonais. Alors, si ce n'est par contre, oui, c'est compatible, mais par contre, attention, parce que les Oui. cartouches, elles sont pas, elles rentrent pas, il faut un adaptateur, hein. Oui, bon, après, Ouais, si mais bon. tu es connaisseur, tu limes un tout petit peu, et puis. Ouais, je suis pas spécialement bricoleur, mais bon, c'est faisable, quoi. Ouais. Et, ah oui, pardon, j'ai une PS1, j'ai une PS2 japonaise et j'ai une PS2 PAL aussi, j'avais oublié de te dire. Ah, d'accord. Et j'ai quelques shoot'em up justement japonais sur la PS2, mais plutôt des jeux PS1. Par exemple, j'ai Gradius Gaiden, que Ouais, j'adore. il est J'ai excellent, Highlander. ouais. Ah oui, super. C'est un de mes Gradius préférés d'ailleurs, Gradius Gaiden sur PS1. Il est sublime. J'ai Highlander aussi, qui est un de mes Ouais, shoot'em up préférés, la magnifique. PS1. L'ambiance, Ah Blade ouais. Runner, Oh là là. Total Recall, tout ça, Et puis surtout, c'est. qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et puis tu sens, tu sais, Waouh. la touche un peu Squaresoft, mais Il y c'est a du pas dingue. Luc Besson, t'as l'impression, dans le Oui, cinquième c'est vrai. élément. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Ouais, c'est vrai. Là, récemment, j'ai acheté In the Hunt, qui est un super Ouais. IRM, qui est Ouais. un shoot en sous-marin là qui défonce. Un peu In à la the Hunt. Metal Gear, un peu. À la Metal Slug, pardon, un peu, c'est Ouais, ça? bah d'ailleurs, une partie de l'équipe qui a fait In the Hunt plus tard a bossé avec ceux qui ont fait le premier Metal Slug. J'ai oublié le nom de la boîte là. Ceux qui ont fait le premier, en tout cas. Ouais, c'était des anciens d'IRM en fait. Quand D'accord. IRM a fermé ses portes vers, si je dis pas de conneries, vers 94. Ensuite, ils sont allés bosser. Là, ils ont fait Metal Slug. Et d'ailleurs, tu vois le lien entre les deux parce que un de mes run and gun préférés, c'est Gun Force 2. D'accord. Et Gun Force 2 sur arcade, qui est pour moi, je sais pas, un des chefs-d'œuvre des run and gun d'arcade. Et tu sens déjà que ça a les prémices de Metal Slug quand il joue Gun Force 2. D'accord. Et là, tu reconnais un peu. L'influence que les productions ARM ont eu par la suite sur ceux qui ont fait la série des Metal Slug là. Ouais. Que j'ai sur PS2 d'ailleurs, j'ai la compile des Metal Slug là où il y a les 6 ou 7, Ouais, je sais ouais. plus. Ouais, j'ai la compilation aussi sur PS2. J'ai. Voilà, bon, je vais pas citer tout ce que j'ai, j'ai pas mal de shoot'em up effectivement, ça commence à. Et mon premier jeu PC Engine. Alors, j'ai pas de PC Engine, mais Ouais. pour les besoins d'une vidéo qu'on a fait il y a pas très longtemps, j'ai acheté Jinmu Danshu. D'accord. Qui est un espèce de clone de Space Harrier version samouraï dans le Japon féodal avec bon une 3D un peu bon, de PC Engine de la fin des années 80 hein. Mais Ils du ont fait coup, comme ils ont pu mais, tu serais prêt, toi, à acheter une PC Engine aujourd'hui, sachant que le connecteur pour la Péritel, qui est très rare aujourd'hui, tu as plus la chance d'avoir une PC Engine avec un câble pour la brancher sur l'antenne, du coup, donc l'image serait pas terrible. Est-ce que tu serais prêt à acheter Ouais. Ouais, vraiment, avec ça fait partie de la de la de la bah c'est un de mes fantasmes effectivement, c'est la PC Engine. Pour l'instant, c'est trop cher pour moi. Ça et la Neo Geo. J'adorerais avoir ces deux consoles. C'est franchement les prochaines consoles que j'achète, c'est ça. La PC Engine et la Neo Geo. J'adorerais l'avoir. La Neo Geo pas arcade hein, évidemment, la Neo Geo console comment AES, c'est? ouais, AES, avec. voilà, AES. Bah, elle est Ouais. autour de 300 euros en ce moment. Après, Ah les ouais. jeux, t'as des jeux autour de 70-90, des Fatal Ouais. Fury, mais bon, les Ouais, gros titres, Metal Slug, tu pourras jamais les avoir, je pense. non, non, non, là, clairement, c'est trop cher pour moi. Là, moi, je peux pas. Du 10 000 euros. Non, non, je peux pas mettre autant. Non, mais même la PC Engine, je trouve qu'elle est encore un peu chère là. Et puis, on est toujours dans cette hype de ces consoles. Autant les jeux PC Engine, tu peux t'en tirer pour pas si cher que ça. Certains jeux, tu vois, Ouais. Jinmu Danshu, visiblement, tout le monde s'en fout. Je l'ai eu pour 19 euros. Alors, hein, tu vois, et D'accord. sous blister, hein, je l'ai acheté neuf, hein. Ouais. Ah ouais, sous blister, il est neuf, hein, Jinmu Danshu, il vient directement du Japon. Je l'ai trouvé sur eBay, pas cher. J'étais très content d'avoir, pour la première fois de ma vie, un jeu PC Engine dans les mains. Ça m'a fait énormément de plaisir. Enfin, Et toi, qu'est-ce que tu penses voilà. des prix en boutique? Est-ce que tu es déjà venu sur République à Paris, par exemple? Alors non, mais David, lui, il y allait souvent et il m'a appelé à chaque fois qu'il y allait parce que lui, il bosse à Paris en fait. Et moi, D'accord. je suis du côté de Toulouse et David, il bosse à Paris et donc les rares fois, il est allé à la République dans les boutiques. Enfin, les rares fois, non, il y est allé plusieurs fois. Il m'a appelé à chaque fois. Il m'a dit, ouais, tiens, si ça t'intéresse, je suis dans le rayon Mega Drive, NES, hein, machin, tout ça, Super Nintendo. Et il m'a appelé pour me voir. Et c'est comme ça, d'ailleurs, là-bas, j'ai trouvé des trucs intéressants. Par exemple, là-bas, je me suis acheté Castlevania 2 sur la NES. Ah En oui, très bien, boîte. Très bon état, d'ailleurs. Bon, il y a une languette qui tenait plus, mais tu sais, moi, je suis pas dans le truc de il faut que ce soit parfait, ouais, absolu, le comme mint, setter. Ouais, le mint, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. ouais. Mais j'ai une Moi. anecdote, hein, sur ça va te faire rire, hein, mais Ouais, bon, comme dis. moi, connaissant des gérants en fait de certaines boutiques. Les gérants m'ont dit, ils sont exaspérés par les clients qui téléphonent pour demander du mint. Ils sont exaspérés avec ça parce que eux, ils ont en boutique, si tu veux, des jeux en bon état, mais un peu écorchés sur les languettes, etc. Les jeux se vendent pas. Et ça les rend fous parce qu'ils ont fait l'effort de racheter des jeux à 200 euros pour les vendre 300 ou 400 et ils restent en rayon à cause du. Enfin, bon, bref, c'est une petite Ouais, c'est histoire. n'importe quoi ça. Bon, bref, moi je t'ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure. Ça, ce truc de collection pour la collection, ça me gonfle quoi. Après, bon, je peux comprendre qu'on ait des exigences, mais bon, faut quand même pas déconner quoi. Je veux dire, c'est pas parce que tu vas pas avoir la spin card sur le côté du jeu PlayStation 1 ou PS Engine que faut jeter le truc. Faut arrêter les conneries au bout d'un Quand moment. j'ai appris ça, j'ai rigolé parce que moi j'ai eu des jeux Mais avec des non, mais spin cards, attends. je savais même pas ce que c'était. Mais oui, mais c'est des trucs. Mais tu vois, c'est des trucs de collectionneur qui me gonflent. Mais on n'est même plus dans la passion là. On est dans le truc de, je sais pas, on est dans le caprice. Voilà, on est dans un caprice. Le Bah, truc de, faut que ce soit comme ça absolument. Tu sais, d'enfant gâté un peu. Ouais, mais tu sais même pas Ouais. ça, c'est que tu sais qu'à un moment donné, le collectionneur, quand il a eu la setlist qu'il voulait, eh ben il va chercher la même setlist avec des numéros de série, comme j'ai vu un collectionneur en Belgique qui cherchait les numéros de série de sortie d'usine de Zelda sur la NES. Il avait les Ouais. numéros 1, 2, 3 qui correspondaient aux années de sortie en usine. Je sais pas si t'imagines. Si, si, bah, j'imagine très bien parce que j'en connais des gens comme ça. Donc, si, D'accord. j'imagine très bien. Non, c'est n'importe quoi, mais là, on va où là? Attends, faut arrêter, quoi. Je veux dire, si c'est pour se prendre la tête, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, On bon, est après, bon, d'accord. voilà. Après, moi, je juge pas non plus. Je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent. Si c'est ton délire, si c'est ce que t'aimes faire, bah, pas de problème, mec. Moi, je respecte. Il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, personnellement, je trouve ça que c'est ridicule. Enfin, quand ça atteint ces proportions-là, après, je critique pas non plus. Je veux dire, c'est beau une collection quand t'as une belle collection pr bien présentée, quand t'as plein d'exemplaires, des jeux très rares, tout ça. Je dis pas c'est beau, mais si c'est que ça devienne une espèce de truc de maniaque, un peu genre maniaco-dépressif, genre ah, il faut que j'ai ça absolument. Là, on est dans le côté un peu matériel qui me gonfle un peu, quoi. Moi, je suis d'accord qu'il faut essayer d'avoir les jeux en bonne condition, c'est quand même mieux, surtout quand tu les apprécies, que tu as envie d'y jouer, que tu les aimes, ces jeux. Qu'ils ont une valeur sentimentale, ouais. Voilà, qu'ils ont une valeur sentimentale. Tu sais, moi, je vais te dire, ça, moi, un de mes jeux dont je rêve d'avoir, c'est Moucha à l'Est. Oui, je voulais te poser la question, c'était pourquoi Moucha à l'Est, en fait, c'était ça. Voilà, ben Moucha à l'Est, je rêverais de l'avoir, mais il est trop cher, mais par contre, j'aimerais quand même l'avoir en complet. Parce que c'est un jeu auquel je tiens beaucoup. C'est un de mes shoot'em up, peut-être le shoot'em up que je préfère sur la Mega Drive. C'est une tuerie totale, mais il est trop cher, quoi. Putain, plus de 200, voire 300, 300, 400 euros, parfois je l'ai vu, c'est n'importe Bah, quoi. disons qu'il est abordable autour de 150 au Japon, peut-être encore sur eBay. Mais Ouais, le ouais. problème, c'est que on va dire qu'il est peut-être pas complet. Et puis parfois, des gens veulent une version pas forcément avec la notice refaite ou des choses. Ils veulent que des Ouais. choses d'origine, donc. Ou tu vois, je vois, il y a un shoot'em up que j'aimerais beaucoup avoir qui a été réédité, c'est Glylancer sur Mega Drive. Glylancer, il a été réédité il y a pas très longtemps, mais putain, la réédition, elle est presque aussi chère que l'ancienne version. Mais on va où, les gars, là? Oui, il y a un manque de N'importe quoi. cohérence, ouais, on est Je d'accord. croyais que les trucs ils prenaient de la valeur avec le temps, mais là le jeu il vient de ressortir, il est déjà presque 900 euros. Faut arrêter les conneries quoi. Bon, allez, j'exagère, c'est pas autant, mais ouais. Bah, l'autre jour quand même, il y a un mec qui le vendait sur eBay, 500, 600 euros, n'importe quoi. C'est que ce délire quoi. On est Mais d'accord, il y a un ça manque de doit pas cohérence. valoir des prix comme ça. Enfin, quand même, tu dois pas quand même craquer ton PEL pour acheter des jeux, merde. Bah, moi, je me suis inquiété, tu sais, je me suis inquiété en voyant les prix du rétro gaming qui ont monté depuis 2 ans sur certaines plateformes comme la Dreamcast surtout et d'autres Ouais. consoles. Quand j'ai Ouais. vu un Donkey Kong Country complet sur la Super NES à plus de 60 euros à un moment donné, je me suis dit, ah, il y a un truc là, attention, il se passe Ouais. quelque chose là. Parce que le Donkey Kong, il était à 20 balles il y a 5-6 ans. Hein. Donc, Ah ça mais monte vite. tu veux que je te donne une anecdote, tiens, c'est un truc qui va te faire marrer. Il y a 10 ans, dans une boutique à Toulouse, c'était derrière là, pour ceux qui connaissent un peu Toulouse, qui vont écouter là. Je salue les Toulousains, parce que je suis Toulousain d'origine. Et derrière la place du Capitole, il y avait une rue où il y avait une boutique qui a fermé depuis, qui revendait des anciens jeux vidéo. Bon, ça c'était il y a 10 ans. Derrière la place du Capitole, je sais plus comment elle s'appelait cette rue. Bon, bref. Ouais. Et là-bas, j'avais acheté, alors, véridique, hein, le premier Zelda sur NES en boîte complet, nickel, avec la carte d'Hyrule dedans. D'accord. Quand même, hein. Et Ah deux oui. notices. J'avais la notice complète en français, en anglais, tout ça, avec les deux langues, et j'avais une notice en espagnol. Le truc archi complet, super bien, en bon état. Et eh ben, tiens-toi bien, je l'ai acheté 25 euros. Tu te rends compte? Déjà, la carte d'Hyrule aujourd'hui, elle vaut même pas 25 euros sur eBay. Elle vaut au moins 80. Donc... Tu te rends compte de l'inflation, mais c'est dingue. Aujourd'hui, tu l'aurais complet comme ça, tu l'as à plus de 100 euros, quoi. Ah, facilement. Il y a un mec l'autre jour qui me dit, non, c'est pas vrai, tu peux l'avoir moins cher dans les brocantes. Je lui dis, bah, bon courage, hein. T'as peut-être la chance de trouver ça dans tes brocantes par chez toi, pas par chez moi, là où je suis. Parce que... Mais les brocantes, c'est devenu une légende, je pense, parce que tous les gens sont passés par là à un moment donné. Aujourd'hui, le marché, il est bloqué par les collectionneurs qui ont tout ramassé. Ouais. C'est... Les brocantes, non, c'est... Bon, David, lui, je crois qu'il a déjà fait les brocantes, il me semble. Il m'a dit, j'ai jamais rien trouvé d'extraordinaire. Franchement, toujours un peu les trucs ordinaires. Tu sais que plus personne ne veut. Oui, des jeux PS2, tout ça, voilà. Ouais, mais je sais pas comment les mecs ils font. Tu sais, je suis sur pas mal de groupes Facebook. Et notamment, je vais en profiter pour faire de l'appui pour les potes de Vide Grenier Live Retro Gaming. D'accord. GLR, que je connais très bien, dont à qui je fais de la pub d'ailleurs à chaque fois dans la fin de mes vidéos. Claude et Coude, pardon, et Mika, les deux modos du groupe, qui sont des mecs très sympas avec qui je m'entends très bien depuis 2 ans, ils ont beaucoup de mecs qui viennent sur le groupe et qui viennent présenter, tu sais, leur pas leur collection mais leurs achats, voilà. D'accord. Leurs derniers achats, et souvent les mecs ils font les brocantes le dimanche matin, donc souvent ils postent des trucs dimanche en fin de matinée, et les mecs ils ramènent de ces trucs. Parfois je leur dis mais dans quelle brocante vous allez? c'est sur terre et des trucs comme ça existe. Les mecs ils te ramènent des console en boîte et trucs comme ça, mais putain, mais où vous trouvez ça? Mais moi, il n'y a pas ça vers chez moi. Moi, je suis dans une petite ville, tu sais, moi, il n'y a même pas des jeux vidéo dans mes brocantes. T'as des vieux livres, je vais trouver des meubles et trucs comme ça, mais c'est tout, quoi. Une armoire Louis XIII, un truc comme ça. Je te rassure qu'en région parisienne, dans le 77 ou 94, c'est la même chose, tu trouves rien. Je sais pas où ils vont ces gens, mais écoute, tant mieux pour eux, hein. Peut-être que c'est le fait qu'il y ait moins de gros magasins indépendants dans leur secteur. Nous, le mal qu'on a sur Paris, c'est qu'il y a République, et je pense que tous les gens se dirigent là-bas pour revendre leur collection. Les prix qui vont avec, malheureusement. Ouais. Mais bon, tu sais que quand même, il y a quand même quelques magasins qui font des efforts sur Paris. Je cite souvent Retro Gameplay, mais ils font des choses vraiment magnifiques pour les gens qui veulent jouer. Il y a des jeux NES qui reconditionnent. Ils mettent un petit plastique de protection autour de la boîte. Ils te vendent ça pour 10 euros, quoi. Tu peux avoir du Skate or Die, tu peux avoir du Golf. Enfin, tous les petits jeux bas de gamme, boîte complète avec la protection de 10 euros. Alors d'accord. que je pense que sur eBay, ça a tous déjà les 20 euros, le 25. Des petits exemples, hein, mais bon. D'accord. Non, mais moi je dis pas, après à République, c'est arrivé que David il me trouve de ces trucs. Tiens, par exemple, tout à l'heure je te citais des shoots and up que j'ai sur Mega Drive. J'en ai pris 3. Alors, il n'y avait pas la notice. Bon, mais c'était en boîte. Mais ces jeux, je les ai tellement jamais vus par la suite que j'ai dit à David, ah tant pis, même s'il n'y a pas la notice, tu les prends. J'ai pris d'un seul coup Airbuster, Insector X et Whip Rush sur qui sont trois shoots très sympas sur Mega Drive. Qui sont pas forcément extrêmement connus. Bon, il n'y avait pas la notice. Et le mec, il nous a fait un bon prix. Il nous a fait les 3, 80 euros. D'accord. Je trouve que vu la rareté de ces titres, c'est sympa quand même. Oui, on va dire que ça reste dans la cohérence des prix en moyenne. Non, ça ne m'a pas choqué. Tu vois, il y a des mecs qui ont dit, c'est trop cher. Je dis, non, déconnez pas, c'est pas trop cher. Là, quand même, vu la rareté de ces jeux, non, c'est pas trop cher. Sur eBay, ces 3-là, même sans notice, j'en aurais eu pour plus de 100 euros, sûr. Hein. On est d'accord. Après, je pense que les gens qui t'ont parlé, c'est plus des gens qui comparent par rapport à la brocante où tu as des jeux à 10 euros. C'est évident que. Mais tu as toujours des mecs, tu sais, qui font des malins. Ça me saoule un peu. Qui font les malins, tu l'as eu à ce prix là, tu t'es fait avoir. Je lui dis, mec, puisque tu connais si mieux que ça, alors c'est où que tu peux les avoir à ce prix là? Et le mec, tu sais, d'un coup, il sautait. Ah, je dis pas, d'accord. Moi, je peux vous donner une petite astuce que j'ai trouvé tout seul, j'en ai pas forcément parlé, c'est d'avoir racheté des jeux d'occasion complets en boîte sur la Genesis Mega Drive américaine dans des magasins américains, l'équivalent de Vidéo Future qui ont fermé. Et il y a une espèce d'entreprise qui ont racheté tous ces produits du Vidéo Futur américain. Je ne sais plus ce que c'était le nom. Blockbuster. Ouais. Qui louait des jeux vidéo. Et donc, j'ai racheté beaucoup de jeux comme Dark Castle. J'ai racheté... Dark Castle. Mais des jeux qui valent en version PAL peut-être plus de 50-60 euros. Après, je te donne Dark Castle, mais il y a d'autres jeux, voilà. Alors que pourtant, Dark Castle, putain, qu'est-ce que c'est que... tu vois, c'était un petit trip et j'ai trouvé des trucs hallucinants, quoi. Après, bien sûr, les jeux, il faut quand même les nettoyer. Il faut prendre le temps parce qu'ils ont voyagé dans les locations pendant 15-20 ans chez les gens. Mais il y a la notice, la boîte, et puis il y a la cartouche qui va avec. Donc, Ça c'est sympa, je connaissais pas ça. Faudra que tu m'en on en reparlera, tiens, un peu plus tard c'est de ça. GG Games, ça s'appelle GG Games, D'accord. Ah ben je et connaissais c'est un pas. site américain qui te fait payer 4 $ de frais de port pour la France. Donc, D'accord. Ah ouais, et taxes d'accord. incluses, hein, attention, hein. Ah ouais, pas mal. Donc tu peux acheter 8, 9, 10 jeux, tu paieras 4 $. D'accord, ouais. Ah c'est sympa, intéressant ça, je le connaissais pas. D'accord. Bah merci pour le tuyau. Après, bien sûr, leur stock diminue petit à petit vu que les gens Ouais, sont passés j'imagine. par là. J'imagine. Mais bon, j'ai pris du Battletoads, du Double Dragon sur de la Super NES, enfin tous les Ouais. jeux si tu veux, qui coûtaient une blinde en version PAL. Après, Oh putain, ouais. faut pas avoir peur, on va dire, de prendre de la version US, qui est Ouais. peut-être moins cotée dans l'esprit. Parce que moi, ce que je reproche aujourd'hui aussi en France, c'est que le marché franco-français est fermé avec des prix bien plus élevé qu'en Europe et dans le monde entier. Mais C'est c'est clair, mais moi c'est pour ça maintenant hallucinant. que je prends plutôt les. Tiens, par exemple, pendant très longtemps, mon jeu numéro 1, c'était Rapid Reload sur PS1, que Ouais. j'adore, qui est un de mes run and gun préférés avec Gun Force 2. Bon, et eh ben j'ai laissé tomber, hein. Et j'ai fini par prendre Gunner's Heaven. Hein. Gunner's Heaven, c'est la version originale japonaise. Je l'ai pris en Jap. Hein. Attends, il y avait 100 € de différence quasiment. Merde, faut pas déconner quoi. J'ai du résultat. Gunner's Heaven, j'ai dû l'avoir pour. Allez, quoi, combien il me l'a fait? J'ai dû l'avoir pour une 50aine d'euros, complet, en super état. Là, le mec, il s'est pas foutu de ma gueule. Je suis très très content. C'est une très belle pièce que je suis content d'avoir. Rapid Reload, en complet, il est à plus de 200 € en PAL. Hein. C'est n'importe quoi. Non, ces prix-là, mais bon. Bah écoute, franchement, c'était très sympathique de t'avoir avec nous, hein. On essaiera de faire partager tes liens aussi de tes vidéos dans la description du podcast. Donc c'est un podcast, hein, que vous pourrez écouter bien sûr sur iTunes, Podcloud, Spotify, hein, si vous avez tous les équipements qu'il faut sur votre iPhone. Et puis je te remercie Quentin donc d'avoir participé. Je te laisse le mot de la fin si tu veux. Eh ben écoute, merci à toi, c'était un plaisir, c'est toujours cool de pouvoir discuter entre passionnés. Voilà, éclatez-vous sur les jeux vidéo, que ça reste toujours une passion surtout. Il faut pas se prendre la tête, faut arrêter de prendre les trucs sérieusement. Ça doit rester une passion avant tout. Enfin, moi je pense, ça doit. Je pense que les jeux vidéo, c'est une question aussi d'émotion, de ressenti. Il faut que ça reste toujours comme ça, et puis il faut pas se mettre des barrières. Que vous jouiez aux anciens jeux, que ce soit des jeux plutôt récents que vous jouez, peu importe, ça doit toujours rester une passion. Ça doit rester un plaisir avant tout. Voilà, je crois que ça, c'est important. Les jeux vidéo, c'est un peu comme le cinéma, la musique. Moi, c'est je joue aussi pour rêver, pour me transporter dans d'autres univers. Je crois, voilà, que c'est important. Je crois que c'est quelque chose que ça peut nous apporter dans la vie, par rapport au ressenti, par rapport à une autre vision des choses, etc., etc. Par rapport à, voilà, tout un tas de ressentis. C'est important. Il faut toujours que ça reste une passion, un plaisir. C'est le plus important. Éclatez-vous, même si c'est sur les anciens jeux, comme je dis toujours, ou même si c'est comme nous, ou comme si c'est sur les jeux plus récents, peu importe, c'est pas grave. Ça doit rester, voilà, un plaisir, et que ça le reste toujours. C'est le plus important. On Voilà. est d'accord, on est d'accord. Bah écoute, merci à toi et puis on vous dit à, donc à la semaine prochaine hein, pour une nouvelle émission. Salut Quentin! Salut!